France Culture. Une mémoire radiophonique. Le nom de Marcel Arlan est indissociable de l'histoire de la NRF pendant une cinquantaine d'années. Durant l'entre-deux-guerres, pendant l'occupation aux côtés de Drieux-La Rochelle, et après-guerre, quand il la dirigeait avec Paulhan, avant d'être seul à la tête de la revue, de 1968 à 1977. Mais bien peu nombreux sont aujourd'hui, et déjà depuis longtemps, ceux qui ont lu Marcel Arlan et son roman, pris Goncourt de 1929, L'Ordre. Pourtant, L'Ordre est certainement l'une des plus fines intelligences du vertige de l'entre-deux-guerres qui soit. Cela peut avoir son utilité par les temps qui courent, regrettait en 2015 Michel Crépu, qui, à propos de son auteur, écrivait. Arlan n'a pas été du tout un personnage de premier rang du débat d'idées. Pas un héros, pas non plus un salaud. Le petit campagnard de Langres, aux automnes lents et sombres, aura traversé son temps, comme il rentrait chez lui, de la NRF, en pensant à autre chose. En pensant à autre chose, donc, selon Michel Crépu. Et en se jurant de ne jamais être candidat à aucune académie, avant de devenir, en 68, académicien français, comme bon nombre de ceux qui, au début des années 70, participaient à l'émission « Les mots-clés » de Pierre Lost, dont Marcel Arlan était l'invité le 7 décembre 1972 sur France Culture. Cher Marcel Arlan, vous connaissez la règle du jeu des mots-clés, c'est-à-dire que je vais vous proposer un certain nombre de noms et un certain nombre de mots, mais ces mots et ces noms, je vous les proposerai dans un désordre décidé à l'avance. Et je vous demanderai de bien vouloir y répondre en une phrase, en un mot ou en le temps que vous souhaiterez. Voici le premier, êtes-vous prêt ? Oui. Varennes-sur-Armance. Ah ben oui, naturellement, c'est mon village natal. Que voulez-vous, c'est d'ailleurs tout mon passé, même toute ma vie. J'y suis resté très attaché, très fidèle. Enfin, c'est un lieu central pour moi. Ça l'a été aussi dans mon œuvre, enfin, sans jamais avoir voulu écrire d'une façon, comment dirais-je, pour peindre une région, n'est-ce pas ? Ça a été tout de même un point de départ. Toute la campagne m'a servi. Je l'ai retrouvé ailleurs, bien entendu. Mais c'est resté pour moi un lieu quasi sacré. Voilà. 18 ans. Ah oui, oui. Ben, c'était une très belle époque. C'était une très belle époque, 18 ans, ça doit évoquer pour moi, alors je suis obligé un peu de réfléchir, eh bien le moment où, ayant quitté le collège de Langres, le collège Diderot de Langres, je venais à Paris, c'était pour moi la guerre encore, elle durait, j'avais été reporté l'année suivante pour partir comme soldat, et alors je suis venu à Paris commencer mes études de lettres à la Sorbonne. Ça représente donc, si vous voulez, ce départ de la province pour la capitale, que je n'avais aucune envie de conquérir. Enfin, il fallait bien aller à Paris pour continuer, n'est-ce pas ? Et puis, alors, d'une façon plus intime, ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque des amours d'adolescents qui m'étaient très chers. Et voilà, ça évoque de l'ardeur. Ça évoque, c'est une période que je ne regrette pas, mais dont je ne... Voilà, qui ne laisse en moi aucun mauvais souvenir. L'humour. Ah ben, l'humour. Quand j'avais 18 ans, le mot humour m'aurait fait un petit peu tiquer. J'aurais préféré le mot ironie comme représentant un état d'esprit plus français peut-être, une forme, une élocution aussi plus française. Bon, mon Dieu, depuis, j'ai su à peu près ce que c'était que l'humour, moins par moi, qui livrait plutôt un humour un peu noir, que par des amis qui savent cultiver un bon humour, voilà. La grâce d'écrire. Ah, c'est très important. C'est très important, puisque j'en ai fait pour le titre d'un recueil de critiques. C'est à propos d'un mot de Catherine Mansfield, je me rappelle. La grâce d'écrire, oui, ça désigne beaucoup pour moi. Voyez-vous, dans l'écriture, dans les faits d'écrire, et si près que l'on se croit pour aborder un sujet, un thème qui a longtemps mûri en vous, vous savez bien qu'on ne l'aborde jamais sans inquiétude. Et à ce moment-là, j'ai toujours besoin d'une sorte de grâce qui me viendrait de je ne sais où, qui m'est tantôt donné et tantôt refusé. Mais c'est très important pour moi, c'est un mot auquel je tiens et dont j'abuse parfois. Le visage. Un visage. C'est une chose grave. Alors, ça fait sortir de moi une résonance assez grave. Le visage, non seulement à cause de sa conformation, sa beauté possible, auquel je suis très sensible, de son expression profonde, mais de l'âme même qu'elle révèle, c'est-à-dire de la communication que ce visage peut établir entre moi-même et la personne qui porte ce visage. Brinville. Eh bien, Brinville. Oui, ouais, c'est curieux. Vous parliez tout à l'heure de Varennes, n'est-ce pas ? Varennes, tout de suite, je réponds. Ma patrie, etc. Brinville, en réalité, je possède la maison de Brinville. C'est un hameau de Seine-et-Marne, du côté de Pontierry, près de la forêt de Fontainebleau. Cette maison, nous l'avons achetée en 1938. C'est en réalité ma véritable maison. C'est la maison où j'ai tous mes livres, où je travaille, où j'ai mes tableaux, où j'ai mon chat, etc. Mes chats, etc. Bon. Malgré tout, la résonance est moins profonde que celle de Varennes. C'est tout de même un lieu d'adoption où je me sens très à l'aise pour travailler justement, pour lire et même pour rôder tout alentour dans les bois, etc. C'est un lieu que j'aime bien, mais que je pourrais quitter. Varennes, non, c'est resté enraciné en moi. Schubert. Ah, ça a été un des musiciens. C'est peut-être celui qui d'abord m'a le plus touché, voyez-vous. Je ne suis pas venu tout de suite à la musique. J'étais un homme sensible avant tout, après la littérature naturellement, sensible à la peinture. Et la musique, bon, il me semblait que je n'en avais pas besoin. Je vais vous faire un aveu, il me semblait que la musique des mots était supérieure à la musique de non-musiciens. Mais même dans cet état d'esprit, que je n'ai plus aujourd'hui, même dans cet état d'esprit, il y avait un musicien qui m'a toujours ému, et c'était Schubert. C'était Schubert. J'en parlais un jour avec André Gide. Je lui parlais du chant de Schubert. Et Gide me répond, ah oui, les chants, les lyres. Je dis, mais non, je vous parle du chant jaillissant, spontané de Schubert, que je suis, qui célèbre, et qui précisément est une des figures de la grâce dont nous parlions tout à l'heure. Voilà ce qui fait que j'ai beaucoup, et je continue à aimer beaucoup Schubert. Le paradis. C'est un peu le sens de légende, c'est un peu... Alors c'est le mythe que je vois plutôt, je ne me figure pas très nettement le paradis, ou alors à moins de faire, de l'appliquer comme on fait très souvent, justement le paradis de l'enfance, etc. Et même je ne dirais, pour moi, je ne dirais pas le paradis de l'enfance, je ne considère pas du tout que mon paradis était de l'enfance. C'est un mot un peu vague, pour moi c'est tout. Le mot. Le mot. Le mot, mot. Mot, M-O-T. Je ne peux guère envisager le mot seul, n'est-ce pas ? Je ne peux l'envisager que par rapport à d'autres mots. Le mot, je l'aime en lui-même, il y a des mots que j'aime, qui ont une grande résonance en moi. Cependant, le mot change de sens même selon la place qu'il occupe dans une phrase, selon la sonorité qu'il prend et par rapport à d'autres sonorités. Ça, c'est en effet une de mes inquiétudes, une de mes sollicitations de miser le plus possible sur la valeur qu'il prend par le son et par l'alliance des sons. Jacques Chardon. Ah ben, c'était un ami que je regrette beaucoup. J'ai connu Chardon il y a très longtemps, vers les années 26 ou 27, son fils qui est mort, n'est-ce pas, Gérard Botello. Son fils, j'étais à ce moment-là professeur dans un collège près de Paris, il s'appelait Le Moncel, et j'ai eu Gérard comme élève. C'est à ce moment que j'ai connu Jacques, et nous sommes liés tout de suite, et je pense beaucoup à lui, je l'ai connu enfin jusqu'à la fin de sa vie. Je viens de recevoir l'autre jour, tenez le bulletin des Amis de Chardon, il s'est fondé une association qui s'appelle les Amis de Chardon, j'en suis bien content, n'est-ce pas, que son nom soit préservé, son œuvre le sera, je crois, et il est bon que des amis, en effet, entretiennent son souvenir. Mais vous évoquez là un souvenir amical, souvenir complexe, n'est-ce pas ? Comme la figure de Chardon était complexe, la figure de Chardon n'était pas simple du tout. Son style peut paraître simple, sa langue peut paraître simple, elle l'est à force de raffinement d'ailleurs. Elle a la pureté d'une source, mais la source, n'est-ce pas, est très travaillée. La figure de l'homme était extrêmement complexe, et parfois douloureuse. L'argent. Oui, source d'ennui. Alors voilà, je réponds franchement, hein. Avant tout, source de difficulté, soit que l'on en ait, soit que l'on n'en ait pas. Et quand on en a un peu, alors c'est encore pire, n'est-ce pas ? Les histoires de notaires, d'impôts, de je ne sais pas quoi, je ne m'y connais pas, je suis affolé par ces histoires-là, n'est-ce pas ? Oui, non, j'aime mieux qu'on ne parle pas d'argent. La gloire. Oui, c'est un grand mot. C'est un grand mot qui me semble un peu creux. Bon, je l'admets, mettons pour un grand général, empereur Napoléon, si vous voulez, n'est-ce pas? Pour un écrivain, ça ne me convainc pas. Je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois que ce n'est pas à souhaiter. D'ailleurs, je crois que c'est très dangereux, surtout si on obtient la gloire de son vivant, n'est-ce pas? Ça me semble très dangereux, très gênant, ne serait-ce que pour une pudeur personnelle, et même ne serait-ce que pour le fait d'écrire, de travailler, n'est-ce pas? C'est très embêtant, Dieu sait, je ne suis pas glorieux, alors ça doit être très embêtant, si j'étais, parce que je me dis, mon Dieu, quand je m'assois à ma table pour essayer d'être le plus modeste possible devant l'œuvre à faire, n'est-ce pas? À ce moment-là, je me dis, ah, tiens, mais je suis un homme glorieux, je ne pourrais pas supporter ça, je crois que ça me gênerait beaucoup. Blaise Sandrart, ça me rappelle mes premières années de Paris, quand j'étais à ce moment-là parmi mes amis, c'est André Malraux que je voyais le plus souvent, et nous mettions à la poésie moderne, et Blaise Sandrart était un des poètes que nous aimions, n'est-ce pas? Surtout le Blaise Sandrart, mettons de la Pigeonne de France par exemple, c'est le temps sibérien, etc. Ce n'est qu'après que j'ai lu ses romans, ce n'est qu'après que j'ai connu l'homme, ça représente donc pour moi une des figures qui ont compté, avec celles de la même époque, par exemple de Max Jacob, que j'aimais beaucoup, d'Apollinaire, que je n'ai pas connu, il était un petit peu trop tard, n'est-ce pas, mais qui commençait à devenir très célèbre. Voilà, c'était un petit peu dans cet ordre-là. L'eau. Oui, c'est un élément que je crains, mais que j'aime beaucoup. L'eau, oui, j'aime bien l'eau. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire la source que je vois couler dans une, par exemple, dans ma vallée natale, la vallée de la Manse. La Manse, c'était une. Bon, ça veut dire cela. Mais cet élément fluide, je l'aime beaucoup comme une. Je l'aime à cause de sa transparence, par le fait même qu'elle se renouvelle, en apparence restant toujours la même. Pour moi, c'est peut-être l'élément que j'évoque avec le plus de plaisir. Aventure. Ce qui évoque pour moi l'aventure, ou bien si non, vous parlez... Aventure, c'est-à-dire, je pense, cette revue littéraire que vous avez fondée en 1920. C'est ça, j'ai fondé la revue Aventure en 1920 avec quelques amis qui étaient Crevel, Vitrac, Georges Limbourg, Malraux a collaboré et d'autres, n'est-ce pas? C'était notre première revue et c'était pas mauvais. Et un jour, voilà, on parlait de Blaise Sandrart. Un jour, nous avons fait une enquête. On demandait aux écrivains, pourquoi écrivez-vous? Et en somme, c'est une enquête qui a été faite 1000 fois, et qu'il faut faire et refaire et recommencer. Nous avons reçu des réponses qui étaient bonnes, qui étaient intelligentes. Oh, il y avait une réponse de Paulhan. Paulhan avait répondu, et c'est un reproche? Mais j'écris peu. C'était joli, ça. Et alors, Sandrart, c'est bien ça. Nous recevons une grande feuille, il n'y avait qu'un seul mot, écrit transversalement, et dont les lettres allaient en grandissant. C'était le mot « merde ». Voilà. La critique. Envisage-t-on la critique en elle-même ou envisage-t-on les critiques? C'est très différent. Les critiques, j'aimerais mieux ne pas me prononcer. La critique aussi, ça me gêne beaucoup. Critique, ça veut dire juger, n'est-ce pas? Juger, c'est pas tout à fait mon domaine. J'aime comprendre, j'aime tout de même choisir ce que je pense être une œuvre de qualité. Mais au sens de théorie critique, ça m'est à peu près indifférent. Non, voyez-vous, j'ai pas mal fait de critiques. Ce sont mes amis qui m'ont poussé à vers de la critique. C'est Paulhan, c'est Rivière, dès le début. Et j'y étais pas tant que ça. Ils m'ont poussé dans la nouvelle revue française, et alors peu à peu, bon, j'ai pris du plaisir même. Mais c'est aussi que je ne me suis jamais considéré comme un critique. Je me suis considéré comme un écrivain qui parlait d'une œuvre, et surtout qui, dans une œuvre, cherchait un homme. essayer d'établir une communication, disait en quoi il se sentait proche, où il voyait, pourquoi cette œuvre plaisait ou ne plaisait pas. C'est une sorte de critique assez libre, assez personnelle, qui, je crois, de ma part, a toujours été très franche, au point que je me suis fâché avec beaucoup de gens. Mais comme il sentait que c'était sincère, il n'en voulait tout de même pas au bout de quelques mois. Comme Gide, par exemple, une brouille. Lui, ça a duré un ou deux ans. À la suite d'un article que j'avais écrit sur lui dans la Nouvelle Revue Française. Ce dont il était d'autant plus mécontent, bien sûr. On s'est réconcilié après, ça a été très bien. Donc, c'est un peu neutre, n'est-ce pas? André Malraux. Ah ben, c'est un ami très cher, n'est-ce pas? Je peux même dire que ça a été mon premier ami à partir du moment où je suis arrivé à Paris. Je l'ai connu presque aussitôt, et nous étions tous deux très indépendants. Nous étions au courant de ce qui se passait dans ce qu'on appelle l'avant-garde, qui à ce moment-là était Dada, puis le surréalisme, de l'autre côté de la Nouvelle Rue Française qui reprenait, etc. Nous étions tous deux passionnés par la peinture, de telle sorte que nous nous voyions très souvent. C'est certainement l'homme que j'ai vu le plus pendant ces années-là. Alors, j'ai suivi dès le début, oui, oh, bien sûr, dès le début, j'ai su qu'il était Malraux. C'est même assez étonnant. Plusieurs personnes qui ont écrit des livres sur Malraux m'ont ressorti, si j'ose dire, non pas une étude, c'était une simple page publiée dans une jeune revue, ça devait s'appeler Accord, je crois, la jeune revue en question, où je parlais de Malraux, donc en une seule page, où je disais, attention, ce n'est pas seulement un grand écrivain, c'est aussi un homme qui comptera dans la vie politique française. À ce moment, pourquoi l'ai-je dit? À ce moment-là, je n'en savais vraiment rien, c'est parce qu'il m'a poussé à le dire. Oui, ben c'est vrai, c'est vrai. Je voudrais là encore que vous évoquiez un ou deux souvenirs de personnel d'André Malraux. Quand il est allé en Espagne, vous savez, il revenait pendant la guerre, n'est-ce pas, pendant la guerre civile espagnole, il est revenu, il me disait d'abord, il m'écrivait en me disant tout se passe bien, jusqu'au jour où il est revenu à Paris. C'était pas encore l'effondrement, mais c'était la veille de l'effondrement pour les républicains, n'est-ce pas. Et je crois qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'appartement, pas de maison à Paris, et nous les avons logés chez nous, ma femme et moi, nous habitions rue Marbeuf, dans un appartement que nous avait laissé mon beau-père, qui changeait tous les mois d'appartement. Et nous avons accueilli André et Clara, là. Et c'est là qu'il... Ah oui, et c'est là, dans cet appartement, qu'il a terminé l'espoir. Avez-vous le souvenir de votre première rencontre avec lui? Ah, la première, non, je ne sais plus. Ça devait se passer. Ah, je crois que ça devait se passer chez un de nos amis communs, qui est mort aujourd'hui, qui était le graveur Galanis. Galanis, que nous aimions beaucoup. Galanis qui habitait à ce moment-là la même maison que Braque habitait. Et André et moi, nous y allions très souvent. Et après cela, je me rappelle, on allait rejoindre quelques amis comme Pascal Pia, le peintre Crexence, dans ce café voisin, oui. La nuit. La nuit. Oui, c'est un mot qui m'est très cher, qui est un des mots qui m'obsède. Vous parlez du mot « grâce ». Tout à l'heure, eh bien, la nuit aussi, c'est un mot qui a pour moi, en moi, une résonance très profonde. Je n'annonce pas du tout au mot jour, pour ça, bien entendu. Mais d'une façon affective, la nuit m'émeut, n'est-ce pas, partout le mystère qu'elle recèle. Et en même temps, la lucidité que l'on peut y trouver, qui semble accrue, comme celle des oiseaux de nuit, n'est-ce pas, pour lesquels j'ai une grande affection, les chevêches par exemple. Ça. Il y a tout cela, il y a cet élément mystérieux autour de vous, ce monde qui s'endort, les vies qui se continuent, les rêves que l'on fait. Quand je parle de nuit, et j'en parle très souvent dans mes livres, et beaucoup de mes récits, de mes nouvelles, se passent pendant la nuit. Je ne le fais pas exprès, donc vous voyez, c'est une chose qui est essentielle à moi. Mais ce n'est jamais par amour du noir. De même que moralement, si je prends un sujet qu'on peut paraître sombre, ce n'est jamais par amour du noir. C'est par pressentiment, au contraire, d'une sorte de lumière, une sorte d'aube. Toujours, n'est-ce pas, j'associe toujours le mot nuit au mot aube, ou lumière, si vous voulez. Roger Vitrac. Eh bien, Roger Vitrac, ça a donc été un de mes camarades du régiment. J'ai publié les premiers vers de Vitrac avant aventure dans une revue d'étudiants qu'on a eu l'imprudence de me confier. Ça s'appelait l'Université de Paris. J'avais transformé aussitôt en revue littéraire. Et là, ont paru les premiers poèmes de Vitrac et les premiers poèmes de Georges Lamour, qui étaient déjà très beaux. Et puis, nous nous sommes retrouvés ensemble au régiment, de la mesure au régiment, c'est-à-dire tout simplement à la caserne de la Tour Maubourg. Nous formions un peloton d'étudiants, on avait contracté un engagement de 3 ans, moyennant quoi on nous permettait d'avoir nos après-midi et surtout nos nuits pour travailler. Ça, c'est ainsi que j'ai connu Vitra, qui était un grand garçon, très curieux, avec des dons véritables. Peut-être moins pour la poésie, mais pour le théâtre, pour un théâtre assez étrange, qui d'ailleurs a exercé pas mal d'influence sur le théâtre moderne, contemporain. Et Vitra, je suis resté longtemps sans le revoir, et quand nous sommes revus, il était déjà près de mourir, c'était avant sa mort, il est venu s'asseoir dans mon bureau de la Nouvelle Revue Française, et ça a été pour moi une chose très pénible que de voir cet homme, qui était un peu désinvolte son apparence, n'est-ce pas, et tout à coup marqué par la maladie. C'est un souvenir pénible que j'évoque là. Qui est l'opposé alors du Vitra que j'avais connu, qui était un homme fantasque, très étonnant, quand il se mettait à fabriquer devant vous un poème, n'est-ce pas ? Vraiment, sans y avoir songé. C'était un poème en vers réguliers, d'ailleurs. Il pouvait vous débiter 40, 50 vers alexandrins, n'est-ce pas ? D'une forme impeccable, un peu loufoque, bien entendu, ça ne se suivait pas. C'était étonnant, il était très doué, Vitra. L'arbre. J'aime beaucoup les arbres. Est-ce parce que je suis né à la campagne? C'est possible. Mais j'ai une vénération pour les arbres. L'arbre est pour moi un être animé, soit avec la frondaison, soit l'hiver, par exemple à Brainville en ce moment, où les arbres sont à peu près nus, changent et se révèlent dans leur forme essentielle. J'ai un grand respect. J'ai un grand respect pour les arbres. Je crois qu'un bel arbre, il n'y a rien de plus beau au monde qu'un bel arbre. La Nouvelle Revue Française. J'en ai pour jusqu'à 2h du matin, vous comprenez. Si j'aimais à parler de la NRF, la NRF, ça a été d'abord la revue qui m'a accueilli, comme elle a accueilli d'autres jeunes écrivains de mon âge, quand elle a reparu après la guerre, n'est-ce pas ? Alors, et puis tout de suite, les amis, Rivière, Paulhan, n'est-ce pas, puis les autres, Schlumberger, Gilles, enfin, etc., il y en a eu tellement, défilé. Alors, je ne parle même pas de la période actuelle, n'est-ce pas, où c'est trop proche de moi, si vous voulez, puisque j'en ai en quelque sorte la charge. C'était pour nous, naturellement, une très belle revue, mais il y avait autre chose. Ce n'était pas une école pour nous, ce n'était pas une chapelle du tout. Ce n'était même pas une école, sauf si par école, on entend une école de qualité, et en même temps, une sorte de, un point de vue éthique. Nous apprenions à travailler là, dans le seul souci, peu à peu, d'atteindre à une qualité qui, croyons-nous, allait nous satisfaire. En réalité, ça ne nous a jamais satisfait, bien entendu. On n'est jamais content de soi-même, ni de ce qu'on a fait. Ça a été ce milieu ardent qui a changé. Il y a eu d'abord l'époque Rivière. Dont on avait Paul pour secrétaire. J'aimais beaucoup Rivière, qui était un homme ardent, loyal, passionné. J'aimais beaucoup. Paulhan, très différent, beaucoup plus nuancé, en finesse, en mesure, en jeu, en audace aussi. Et peut-être, si vous voulez, beaucoup plus fin découvreur que n'était Jacques Rivière. Mais dès le début, Paulhan et moi, nous avons été amis et l'amitié n'a pas cessé de subsister. Et alors, la Nouvelle Française, à ce moment-là, ça évoquerait toute une filière de ma vie, très intime, mon œuvre personnelle. Toute cette période, par exemple, en dehors de Paris, où que nous passions, les Paulhan et moi, et puis quand je me suis marié avec ma femme, à l'île de Porquerolles, dans une forteresse, la Vigie, que nous avions louée, et nous y passions tout l'été, et c'est là que nous faisions la revue. La Nouvelle. Oui. Où on a prononcé des noms qui sont, dont certains sont tellement en moi. Vous comprenez que c'est difficile de répondre. La Nouvelle, vous savez que La Nouvelle m'est très chère, que, par exemple, après avoir écrit un très long roman qui s'appelait L'Ordre, qui avait à ce moment-là 3 volumes, n'est-ce pas, et qui par hasard a eu du succès, a eu le prix Goncourt. Mon éditeur, qui pourtant est un homme très intelligent, c'était Gaston Gallimard, l'éditeur aurait souhaité que je commence chaque année, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, un énorme roman. Et je ne sais pourquoi, j'ai pensé non, j'aime mieux me concentrer. Enfin, je sentais que c'était pas tout à fait mon instrument. Et que même dans le roman, dans ce grand roman qui était l'ordre, ce qui était le plus proche de moi, c'était la peinture de certains instants. La peinture longue de certains instants capitaux, essentiels dans une vie. Bien. Et en effet, c'est de là qu'est née, si j'ose dire, ma conception de la nouvelle. Tout de suite après l'ordre, j'avais écrit, je ne sais pas si c'est une nouvelle ou un roman, c'est un petit livre, en tout cas un petit récit, la première personne étant l'auteur, qui s'appelle Antarès. Déjà là, j'étais plus à mon aise, parce que, étant donné la brièveté du récit, je pouvais me permettre un ton à la fois plus soutenu et plus intime. Voyez-vous, dans un roman, dans un grand roman, n'est-ce pas, des grands que nous admirons comme Tolstoï ou comme Dostoïevski, ou Stendhal, si vous voulez, toute une partie, 20, 30, 50, 100 pages, peuvent nous ennuyer. Ça n'empêche pas que c'est un grand roman. Dans une nouvelle, la nouvelle ne permet pas de défaillance, à cause de ses brèves dimensions. Je ne considère pas, d'autre part, la nouvelle, naturellement, comme un poème en prose, au contraire, n'est-ce pas, mais... il me semble que la nouvelle, par son inspiration, par la façon dont on l'écrit, se rapprochait davantage du poème que du roman. Mais je ne vous dis pas dans le langage, n'est-ce pas ? Il faudrait que j'évite ce qu'on peut appeler la prose poétique, n'est-ce pas ? Une prose fluide, bien, d'accord, mais une prose poétique, c'est faut faire très attention. Alors, peu à peu, et sans l'avoir choisi, si je mets à part une ou deux choses, mes livres de critique, des souvenirs, etc., c'est surtout à la nouvelle que je me suis donné quand j'écris la première nouvelle d'un ensemble. Je ne pas vous raconter que je connais déjà toutes les autres, mais je sais, je sens les thèmes qui vont se poursuivre, l'union qu'il y aura entre ces différentes phases, si vous voulez, d'un même récit, les oppositions, l'éclairage commun, parfois les lieux qui sont communs aussi, etc. C'est devenu pour moi un genre littéraire qui pour moi remplace le roman, dans la mesure où justement je peux associer, disposer, orchestrer un certain nombre de nouvelles en vue d'un effet global. L'Académie française. Oh oui, oui. Je ne vis pas que je prenne un air lugubre. Ça. Non, ce serait méchant pour l'Académie, c'est pas ça. On a eu la gentillesse de m'y appeler. Bon, j'en suis très reconnaissant, une marque d'estime qu'on m'a donnée. L'Académie française, en réalité, ça ne m'a jamais rien fait pendant très longtemps. Et même, j'étais résolu à ne jamais faire partie de l'Académie française. Ça s'est passé un peu par hasard, bien sûr. J'ai beaucoup d'estime pour ces messieurs, parfois de sympathie pour certains, de sympathie et d'amitié. C'est un milieu très courtois, il fait bon se rencontrer, parler de choses et autres. Et puis, on peut aider quelques personnes. Comme il y a pas, l'Académie française a beaucoup d'argent, je ne dis pas que les académiciens en ont beaucoup, mais l'Académie française a beaucoup d'argent, et alors elle distribue beaucoup de prix, et nous avons l'occasion de faire donner des prix, de soutenir un jeune écrivain, par exemple, que l'on ne marquerait pas sans cela, ou même un écrivain, un aîné, qui ne serait pas assez connu. L'aîné, par exemple, ça m'est arrivé il y a 2 ans quand j'ai demandé qu'on donnât le grand prix de poésie à Jean Follin. Eh bien, Dieu sait, je suis très heureux, il l'était, il était enchanté. Et un an plus tard, il était mort, n'est-ce pas ? D'autre part, ce contact entre des gens dont quelques-uns sont écrivains, mais dont d'autres sont des hommes de science, dont très éminents, des avocats, des médecins, etc., des historiens, n'est-ce pas, tout ce milieu, c'est très bon, en effet, c'est ça qui a constitué la langue, et il est bon qu'à l'Académie, il y ait ce mélange. 30 ans. 30 ans, est-ce que je me sentais vieux à 30 ans ? Non, pas encore. En réalité, je ne suis jamais senti vieux, figurez-vous, pas même aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un l'autre jour, je ne sais plus qui, il me racontait vieux. Moi, j'appelle vieux celui qui est plus âgé que moi. Je me rappelle que quand j'étais adolescent, quand j'étais à la Sorbonne, j'avais été déjeuner chez un des compatriotes. C'était un monsieur qui était né dans mon village à Varennes-sur-Amance, qui avait une immense situation, qui était directeur des chemins de fer, un homme très bien. Il était là, il y avait beaucoup de personnes tout à fait bien à déjeuner. On interroge ce garçon gentiment sur ses professeurs, n'est-ce pas ? Bon. Et quelqu'un me demande, est-ce qu'ils sont vieux, vos professeurs ? Je dis, oh oui, mais ils ont plus de 40 ans. Ça a jeté un froid. Voilà, alors bon, 30 ans, c'est une très belle époque, très jeune, on était encore très jeune. C'est une époque bien, c'est un bel âge. Georges Rouault. Ah bah oui. Ça, j'y pense à un souvenir ému tout de suite. Longue intimité depuis que j'ai connu Rouault. Ça s'est passé comme ça. C'était vers les années 30. J'avais eu, je vais parler de l'ordre tout à l'heure, et de mon roman L'Ordre, et alors Gallimard voulait faire une édition illustrée. Non, oui, et il voulait faire une édition de luxe avec une gravure. C'était là, dans une collection qui s'appelle, je crois, La Gerbe. Alors, à qui demander la gravure? Malraux me dit, mais vous devriez demander à Rouault. Enfin, je connaissais évidemment la peinture de Rouault, mais pas à fond, pas absolument. J'ai écrit à Rouault qui se trouvait, ah oui, par l'intermédiaire de Jacques Maritain. J'étais donc à Rouault, appuyé par Jacques Maritain. Rouault était malade, était en Suisse, il se soignait. Il me répond une lettre charmante, n'est-ce pas, acceptant tout de suite. Et puis, il a fait cette gravure. Et puis, nous le sommes à partir de là. C'était l'amitié. Une très grande, de ma part, une très profonde admiration que je garde complètement. Et une très profonde affection que je garde aussi. C'était un homme absolument étonnant. C'était un grand peintre. Et c'est un, c'est un des hommes, des artistes pour qui j'ai eu le plus de respect. Parce qu'il avait l'amour de son œuvre. Parce qu'il avait le respect de l'œuvre. Ne dis pas l'admiration de sa propre œuvre, c'est pas ça. C'était un homme très modeste, n'est-ce pas? Mais c'était le respect pour l'œuvre à faire. On n'est jamais content d'une œuvre, bien entendu, il n'était pas satisfait de la sienne. Mais il avait le respect de l'œuvre à faire. C'est ce que j'ai tellement aimé chez lui. Alors, sous des dehors, vous le savez, plaisant, taquin, il faisait le clown, il disait n'importe quoi. Mais quand on le poussait un petit peu, j'ai entendu de la part de Rouault les choses les plus perspicaces sur la peinture et sur certains peintres que j'ai entendus de ma vie. Par exemple, il lui est arrivé un jour de soutenir Courbet. On dit, on ne parle pas de Courbet, attention, Courbet est un véritable peintre, etc. Même chose de Degas. Bon, il racontait des anecdotes sur son maître, Gustave Moreau, pour qui il avait une très grande vénération. Et d'ailleurs, vous savez que Gustave Moreau l'aimait beaucoup. Ou sur ses amis comme Matisse, comme Marquet et quelques autres. Bon, et puis ses histoires avec Vollard, et puis tout, n'est-ce pas dire. Il s'est bagarré avec Vollard. Ben, il s'est bagarré, mais au fond, il ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Il ne cessait, n'est-ce pas? Il ne cessait de dire du mal de Vollard, mais il aimait bien Vollard, il ne pouvait pas s'en passer. Le rêve. Le rêve, oui. Ah, ça me fait un peu peur. Je me méfie beaucoup de ce mot. D'abord, il est à toutes les sauces aujourd'hui, il est dans toutes les théories scientifiques, n'est-ce pas? On en a tellement parlé. Un de mes amis encore m'en parlait ce matin, qui fait une étude sur la signification du rêve de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, le rêve signifiant, comme il disait, vous savez, c'est ça. Le rêve signifiant, c'était celui des rois, par exemple. Je suis dans la Bible ou ailleurs, n'est-ce pas? Le songe, le rêve d'Athalie, par exemple. C'était ça. Et puis, un peu, le rêve est venu au peuple, et le peuple s'interrogeant, les clés des songes, etc. Et puis tout à coup, Freud, dans cette ampleur, n'est-ce pas, que vous connaissez, à l'étude du rêve, la signification du rêve. J'ai un petit peu peur à cause de tout ce qu'il y a de souterrain dans le rêve, qui n'est pas toujours agréable. Le chat. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, le chat? Le chat, je ne suis qu'amour pour le chat. J'ai toujours eu des chats, toujours. J'ai encore aujourd'hui à Bréville, je suis tellement content quand je vois. Et puis je dois dire qu'il est très content aussi. Et voilà, la base de mon amitié pour les chats, et de l'amitié des chats pour moi, c'est que c'est un respect mutuel. Je respecte la bête, je ne la traite pas comme une chose ordinaire, comme un petit machin, je viens petit, n'est-ce pas? Non, c'est un chat, c'est un être noble, c'est un être qui a sa dignité, n'est-ce pas? Et pour être vraiment l'ami d'un chat, il faut savoir le respecter. Bon, pour ça, il n'en demande pas plus, mais je crois que c'était la base du tout. La création. Vous l'entendez au sens de création d'un livre, d'une œuvre d'art. Exactement. Une œuvre d'art, oui. C'est un mot qui me laisse un peu perplexe, que je n'oserais pas trop employer. La création, ça veut dire Dieu créant le monde, n'est-ce pas, de lui-même. Le mot création appliqué à un artiste me semble, vous comprenez, un petit peu abusif. On ne crée pas, nous ne créons pas quelque chose, même le plus grand artiste ne crée pas de toute pièce quelque chose, n'est-ce pas? C'est un mot qui est un peu aussi divulgué, qui est un petit peu trop propagé. On crée une mode, on crée une robe, on crée ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est un homme qui se met, qui fait appel à tout ce qu'il a en lui-même pour essayer de transposer les éléments profonds de lui-même et du monde et de les fixer dans une, grâce à l'art, n'est-ce pas? Voilà ce que ça évoque pour moi. Mais je ne voudrais pas qu'on ait un sens trop qu'on peut mener, trop pompier, trop rhétorique à ces mots de création. L'enfer. Pas l'enfer, me faisait très peur quand j'étais enfant. Comme je suis un homme très sage, je pense que l'enfer, je pense que le bon Dieu doit être extrêmement bon, qu'il n'y a pas d'enfer, que l'enfer sur Terre existe certainement pour beaucoup de gens malades, pour les malades, pour les ceux qui sont blessés, ceux qui ont souffert, tout ça. C'est pas le mythe qu'on est. Le mythe de l'enfer ne me parle pas en ce moment. Mais de l'enfer, c'est encore un trop gros mot. Mais l'enfer appliqué aux hommes, ben oui, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a des situations intolérables, intenables, qui font pitié, que l'on voudrait secourir, on n'y parvient pas, n'est-ce pas? C'est cela. Mais je ne songe pas à l'enfer comme au domaine du mal pur. Non, non, c'est pas ça. André Gide. André Gide. Ah, beaucoup compté. Même quand j'étais au collège, je connaissais, pas toute l'œuvre de Gide, mais je connaissais en tout cas Les Natures Terrestres. C'était un livre qui, à ce moment-là, transportait les jeunes gens. Je ne sais pas s'il en est ainsi encore aujourd'hui. Ce n'est pas son meilleur livre, bien entendu. L'immoraliste, La Porte Étroite, qui me touchait beaucoup, et d'autres. Et quand je suis venu à Paris, bien justement, à la Nouvelle Revue Française, c'était un des grands hommes de la Nouvelle Revue Française. Ah ben oui, mais autre chose, c'est à lui que j'ai adressé mon premier livre. C'était un récit qui s'appelait Terres étrangères. J'étais étudiant. Et j'envoie le livre à Gide, le manuscrit à Gide, en lui disant, répondez, aux, je ne sais pas pourquoi je disais ça, répondez aux initiales MA, Association des étudiants, rue de la Bûcherie, etc. Bon, 15 jours plus tard, je reçois une lettre de Gide, que j'ai conservée d'ailleurs, très, très chaleureuse, très belle, cher inconnu, que vous vouliez ou non, tôt ou tard, nous nous connaîtrons. Il y a alors ici quelques mots gentils sur ce livre, en disant je le communique à mes amis de la NRF, c'est-à-dire à Rivière et à Poulain, qui en effet l'ont fait prendre. Voilà les premiers contacts avec Gide. Gilbert. Alors Gilbert, c'est un... Oui, bien entendu. Je ne sais pas du tout où j'en suis avec Gilbert, je ne le renie pas, c'est le héros de l'ordre, n'est-ce pas? C'est le héros de l'ordre. Il est évident que j'ai émis une grande partie de moi-même, en tout cas de mes inquiétudes, de cette angoisse que nous avions alors, nous jeunes gens, qui n'était pas, si vous voulez, exactement la même que celle des jeunes gens d'aujourd'hui, mais qui tout de même était assez proche. Goût de la révolte et tout. Bon, par conséquent, il était assez proche de moi. Il était même très proche de moi, il était très proche de moi. Je n'ai jamais relu l'ordre. Mais il s'est passé ceci. C'est que un ou deux ans après, j'ai été pris de ce désir d'écrire des mots, des phrases, des réflexions que mon héros Gilbert aurait pu tenir ou prononcer. Ça a formé d'ailleurs, je les ai réunis d'abord dans un livre à tirage limité, illustré par Rouault, justement, admirablement illustré par Rouault, qui s'appelait « Les carnets de Gilbert ». Le livre a paru, puis ça a continué. Et toujours, j'écrivais au nom de Gilbert, mais en me rendant compte qu'il m'était toujours cher, mais que la vie faisait de moi tout de même m'orienter dans une voie différente, et parce que j'écrivais, parce que j'avais la chance de vivre, si vous voulez, donc d'écrire, et que donc, les deux voies se sont mêlées. Et j'ai continué, j'ai donné trois ou quatre éditions, jusqu'à, je crois, il y a trois ou quatre ans, il a paru encore une édition plus complète, n'est-ce pas? Au moins trois fois ou quatre fois plus grande, n'est-ce pas? Où, cette fois, alors, j'arrive à ne plus parler qu'en mon nom, mais en sachant bien que je ne trahis pas, malgré tout, mon héros. Donc, c'est resté pour moi un frère cadet. Voilà. Max Jacob. J'aimais beaucoup Max. Vous savez que Max écrivait des lettres tellement louangeuses à tous les jeunes poètes, je n'étais pas poète, mais même aux jeunes prosateurs, en disant mais vous êtes le seul aujourd'hui à... vous êtes le seul à écrire de tels chefs-d'œuvre. Bon, c'est un homme très aimable. J'aimais beaucoup, je le lisais, je le connaissais bien, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, on était un jour chez Poulenc, qui habitait à ce moment-là, à Châtenay-Malabry. Et je me rappelle simplement ce mot, c'est tout, pour une discussion. On parle de Picasso, beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, bien sûr. Et Max, qui le connaissait bien, naturellement, dit « Oh, Picasso, extraordinaire, unique !» Plus il change, plus c'est la même chose. Il pouvait avoir des voix assez féroces, comme vous voyez. L'incommunicabilité. Oui. Ce qui m'ennuie dans ce mot, vous comprenez, c'est le port qui n'est pas très agréable à prononcer, ni à écrire. Incommunicabilité, oh, c'est pas très français, ça. Deuxièmement, c'est qu'on le met à toutes les sauces, n'est-ce pas? Cependant, si on cherche, c'est avoir... L'incommunicabilité, d'abord, c'est trop fort, c'est trop absolu comme mot. L'incommunicabilité entre les êtres, n'est-ce pas? C'est bien là que vous entendez. Oui. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, si, même s'il y avait la communicabilité entre les êtres, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir communication entre l'homme et la nature, ce qui est aussi un moyen de communion même. Quant à la communication entre les êtres, si on est tout très exigeant, absolu, dans l'absolu, on dira tout de même, on communique, il y a contact, il y a, et parfois communion, n'est-ce pas, sur des choses essentielles. Je remplacerai plutôt ce moins comme la dualité qui me semble trop grave. Naturellement, chacun de nous ne se sent pas assez compris, même moi le premier, mais je voudrais qu'on me comprenne mieux, tout entier, tout ce que j'ai de mauvais, je voudrais que ça soit apparent, criant, et qu'on me le reproche, n'est-ce pas? Mais ça se fait trop peu, malheureusement. Ça engendre le mot, la pensée, solitude. Bon, ben, il est évident que même si l'on n'est pas seul, si l'on a la chance de vivre avec des gens que l'on aime, si l'on a des amis, une bonne famille que l'on aime, et tout, n'est-ce pas, il n'y a pas de solitude absolue. Il y a tout de même la solitude, nous parlons d'écriture, il y a tout de même la solitude de l'écrivain. Si un écrivain n'était pas seul dans un certain domaine, il n'écrirait pas. On a besoin de se sauver de cette solitude où tout de même, n'est-ce pas, tel que l'on est, on est un peu monstre, parfois on se paraît à soi-même un peu monstrueux, n'est-ce pas? Le seul recours, pour moi, la seule délivrance, pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est l'écriture. C'est aussi, je dois le dire, un moyen, même si on n'y a pas songé d'abord, et on n'y songe pas quand on est jeune, on y songe beaucoup plus quand on vieillit, c'est un moyen de communiquer, car on le sait, on est obligé de savoir peu à peu, n'est-ce pas, qu'en effet, il y a eu contact, on a communiquer avec tel ou tel lecteur. Je parle pas seulement des critiques et des amis qui vous connaissent, n'est-ce pas ? Mais je parle du lecteur inconnu qui vous écrira de Suisse ou de Carcassonne ou de où vous voudrez, de jeune homme ou vieille dame, en disant j'ai lu tel de vos livres, mon Dieu, combien cette phrase, ce chapitre m'a touché, combien je me reconnais là-dedans. Alors, tout de même, il y a donc eu à ce moment-là contact, il n'y a pas eu incommunicabilité, et sur le moment même, je dois dire, c'est un grand réconfort. L'ennui, c'est qu'on l'oublie vite, c'est que le lendemain, on n'y croit plus, on doute, ou alors même, c'est pire. Alors, oui, mais comment faire pour continuer, pour prolonger, pour renouveler cette communication entre l'écrivain et son lecteur? Voilà tout à coup que l'on se sent un devoir, n'est-ce pas, qu'il faut assumer, on a peur de ne pas arriver au bout de sa tâche. Et pourtant, c'est vrai que ce besoin de communion, je le crois, même chez les auteurs les plus révoltés. Si on était complètement révolté, on ne fuirait pas, d'ailleurs. Écrire, c'est aussi une demande en grâce, c'est une demande en recours, au secours, presque même. Alors, il y a donc là-dedans ce besoin de dissiper cette incommunicabilité dont vous parliez. L'essentiel. Oui. C'est un mot que nous avions toujours à la bouche, Malraux et moi. D'ailleurs, mon Dieu, nous l'avons, j'espère, lui comme moi, j'en suis sûr, toujours dans la pensée. Plus un homme avance dans son œuvre, dans son âge, et plus il voudrait atteindre à, en effet, l'essentiel, plus il sent qu'il ne lui reste que pas beaucoup de temps pour le dire. Le seul désir, simplement, d'atteindre à l'essentiel, n'est-ce pas, à ce que nous nommons l'essentiel, sans savoir exactement ce que c'est peut-être la pureté de soi-même, c'est peut-être la métamorphose de soi-même en quelque chose de plus grand, de son monde intérieur, en un monde plus grand, etc., quasi éternel, c'est peut-être ça l'essentiel. La mort. J'ai toujours pensé à la mort. J'ai toujours pensé à la mort. Est-ce que ça vient de mon enfance où mon père étant mort très jeune et moi étant un enfant de 5-6 ans, ma mère m'emmenait au moins deux fois par semaine sur la tombe de mon père. Elle y restait 2 heures. Moi, j'allais d'une tombe à l'autre du cimetière. Enfin, ça, évidemment, de curieuses dispositions, bien sûr. Je l'ai évoqué souvent. On a même dit que j'avais c'est Duvigneau dans son livre sur moi. On a même dit là, vous avez un goût morbide de la mort. C'est pas morbide, c'est pas vrai, c'est pas malsain. Mais peu à peu, la mort est devenue pour moi une sorte de la pensée de la mort. Je crains la mort, par exemple. Je craindrais surtout la diminution devant la mort. C'est tout. La mort, après tout, j'accepte. La diminution, ça, c'est autre chose, c'est plus grave. Mais la pensée de la mort, je crois, aide à vivre. Aide à choisir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Le mot savourer, c'est peut-être un peu épicurien, mais si, tout de même, à savourer ce qui fait la beauté, le sel de la vie. Et je crois que ce n'est pas du tout du pessimisme que de songer à la mort, que c'est peut-être même le contraire. Quoique tout ce profil doit se juger et doit prendre sa valeur par rapport à la mort. Dernière question, Dieu. Je fais silence d'habitude quand on me pose sur les questions. On me l'a posé un jour, il y a peut-être 15 ou 20 ans, à la radio. Et j'ai dit, je refuse de répondre. Par respect. Pour les croyances, par respect pour toutes les formes que peut revêtir. l'idée, l'image de Dieu, garde profondément le respect de ce mot, la pudeur de ce mot que je ne voudrais pas employer. Ou alors je prendrais une dérivation en disant nous sommes tous en quête de Dieu, il y a aussi le Dieu présent dans la nature, perceptible à travers ces éléments, à travers une bête, à travers une plante, une feuille, un souffle, le soleil, la nuit, à travers tout, n'est-ce pas ? C'était Marcel Arlan, au micro de Pierre Lost, dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois, le 7 décembre 1972, sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.